Pique chaque petit mot, tu m'attaques à chaque petit moment. Toi et moi, c'est comme la guérilla. Encore un mot de travers et tu t'en iras. Toi et moi, c'est comme la tequila. Encore un autre verre et tu me séduiras. No papi, no papi, don't go. No papi, no papi, don't go. No papi, no papi, don't go. Don't go, hey. Je ne sais pas t'ignorer. Certainement les tiennes. Combien de fois je t'ai dit ne fais pas le mec. Je ne suis pas la même. Je ne suis pas ton ex-co. Je peux te faire une expo. Tu sais que ça me blesse. Ça me déplaît. Ça me déplaît tout ce que j'entends sur mon dos. Tu disais pas la même quand t'étais sur mon dos. Toi et moi c'est comme la guérilla. Encore un mot de travers et tu t'en iras. Toi et moi c'est comme la tequila. Encore un autre verre et tu me séduiras. No papi, no papi. Don't go, no papi, no papi, don't go, no papi, no papi, don't go, hey. Je ne sais pas t'ignorer, je ne peux pas t'ignorer. Si tu me laisses, c'est comme l'abandon au premier essai. Je ne sais pas t'ignorer, je ne peux pas t'ignorer. Si tu me laisses.